Sans toi, je suis un homme perdu et tout seul, j'ai pas d'espoir. Crois-moi, ton amour m'a convaincu et m'a fait sortir des mondes noirs. J'oublierai jamais ton histoire, elle est vraie, tout le monde peut la croire. Cette belle, belle journée qui m'a montré enfin ma destinée. Ce moment, je n'ai même pas osé t'approcher, tellement que mon cœur s'y fort battait. Vraiment, tu m'as tué par ta beauté, mon cœur a pas. J'étais bouleversé et tu m'as regardé, ton amour dans mon cœur a percé. Bleb kinti ana insan daya fi dunya ma andi aman tatadbti tashi ma kunt sama kismat qalbi ghada ha. صبرتي قلبك كبرتي وبكيتي وربي وكلتي مو بصوتي نسيتي ضحكتي وضحكت لك الدنيا حتى انا امنيتي نشوفك فرحانة ما نحملش نشوفك عمري تبكي بارك انا يستشفوا فينا عديانا منهم بنا غير الرب نشكي عارفينك تبغيني ونبغيك غار ومنا عارفيني نبغي على بيها ناد وشطو que mon cœur s'est fort battu. Vraiment, tu m'as tué par ta beauté. Mon cœur a failli éclater. Et tu m'as regardé, j'étais bouleversé.